Hypersensible, la fiction, aujourd'hui Jeanne revient, épisode 1, une série proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir. Avec Jeanne revient, nous vous proposons une série en 4 épisodes, 4 fictions, qui nous racontent l'histoire du Front National et de la famille Le Pen. À moins que ce ne soit l'histoire de la famille Le Pen et du Front National, mais peu importe, quel que soit l'ordre, les deux sont totalement imbriqués. Alors d'abord, un résumé de cette série, en quelques lignes. Les productions Maglan se lancent un film consacré à la saga familiale Le Pen, mais une question se pose d'emblée, faut-il en faire un documentaire ou une fiction? Pas simple de choisir, en vérité. Toujours est-il que le tournage tourne au naufrage, les tensions sont trop fortes, mais c'est quand même l'occasion de replonger dans près d'un demi-siècle d'histoire du Front National, en soulignant ce mélange si particulier des liens politiques et familiaux, ces années de provocation, de guerre des clans, de trahison à travers les trois générations de dirigeants, Jean-Marie, Marine, et ses sœurs d'ailleurs, Yann et Marie-Caroline, et puis Marion, maréchal Le Pen, qui aujourd'hui s'appelle Marion Maréchal tout court. Au noyau dur, et pour compléter la galerie des portraits, viennent s'ajouter les conjoints respectifs et les indispensables sacrifiés, les numéros 2, voilà pour la distribution. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Au royaume des aveugles » et nous découvrons les éléments majeurs de la bio de Jean-Marie Le Pen depuis les années 60 et pendant la guerre d'Algérie, un passé qui passe mal. Un personnage nous guide, Nestor, l'ex-majordome du décor familial, le domaine de Montretout, et avec lui, nous pénétrons entre les murs de cet hôtel si particulier. Nous nous retrouverons après la fiction avec notre invité Olivier Beaumont, grand reporter au Parisien aujourd'hui en France, où il couvre la droite et l'extrême droite. Il est par ailleurs l'auteur du livre « Dans l'enfer de Montretout », édité chez Flammarion. Avec lui, nous tenterons d'expliquer la saga familiale de la famille Le Pen et ses rêves de pouvoir. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Darius, est-ce que vous pourriez frapper, s'il vous plaît, avant... C'est quoi cette histoire? Ariane m'a dit que vous avez refusé de signer mon bon de commande. Quel bon de commande? Mais lui, là, j'en ai pas passé 36. Pourquoi vous refusez de le signer? C'est le bon de commande pour l'INA, les archives vidéo. Oui, j'en ai absolument besoin de ces archives. Sauf que votre commande, elle porte sur des archives pour la période 54-62. C'est bien ça que j'ai lu. Oui. Et il n'en est pas question. Et pourquoi? Mais parce qu'on ne va pas parler de la guerre d'Algérie, Darius. Et en particulier, je vous vois venir, il est hors de question de parler de la torture. Quoi? Mais si! Ah si! Évidemment, on va en parler de la torture! C'est non, Darius. J'en ai discuté avec votre mère, elle est entièrement d'accord avec moi. D'un point de vue juridique, avec la torture, on va au casse-pipe. J'ai regardé sur ce sujet. Jean-Marie Le Pen a gagné plusieurs procès en diffamation. Contre le Canard Enchaîné, contre Libération et contre ce réalisateur-là aussi. Comment il s'appelle déjà? Celui qui a fait avoir 20 ans dans les Aurès. René Vautier. Mais c'est pour un autre film de Vautier que Le Pen a gagné son procès. Un film de 84 qui s'appelait « À propos de l'autre détail », dans lequel Vautier interviewe un Algérien qui prétend que Le Pen, quand il était officier parachutiste, l'a torturé. L'aurait torturé. Et vous venez de dire vous-même que Le Pen a gagné son procès. Donc, nous, on ne s'aventure pas sur la question de la torture. Le Pen a gagné son procès parce que c'était couvert par la loi d'amnistie de 63 qui interdisait d'utiliser des images pouvant nuire à toute personne ayant servi en Algérie. On ne s'aventure pas sur la question de la torture. Point. Et Le Pen n'a pas gagné tous ses procès, Monsieur Poulidor. Il a aussi été débouté de pas mal de plaintes qu'il a déposées contre Rocard, contre Vidal-Naquet, contre Le Monde en 2005. Écoutez, Darius, vous verrez ça avec votre mère. Elle tranchera. Moi, en tant que gérant, je ne prends pas la responsabilité de vous signer ce bon de commande. Et puis, concernant la question de la torture, si les gens veulent se faire une opinion là-dessus, ils n'ont qu'à aller sur Internet. Ah, alors là, bravo! Alors là, je dis bravo! On est une boîte de production de documentaires et dès qu'on touche à un sujet un peu délicat, on dit aux gens, on ne sait pas, allez voir sur Internet. L'Algérie n'est pas un sujet un peu délicat en France. La guerre d'Algérie, c'est une machine à baffe. Vous savez comment le général de Gaulle appelait l'Algérie? La boîte à chagrin. Exactement, la boîte à chagrin. Darius, on prend déjà des risques énormes en montant ce film sur Le Pen. Je ne veux pas couler ma Maglan production. Jeanne revient. De François Perrache. Réalisation Cédric Ossir. Premier épisode, au royaume des aveugles. Maglan Productions, rien à votre service, merci de patienter, je vous reprends tout de suite. Excusez-moi, donc, oui, je vous disais, vous aviez rendez-vous? Je peux vous demander votre nom? Non. Comment, non? Non, je n'ai pas rendez-vous. Mais on m'a dit de passer quand je le désirais. Bah, qui vous a dit de passer? Quand est-ce qu'on vous a dit de passer? Hier, par téléphone. Monsieur Maglan m'a appelé et m'a proposé de venir. Ah oui, Monsieur Maglan. Le problème, c'est que à part moi et Monsieur Poulidor, il n'y a que des Maglans ici. Vous voyez, c'est marqué sur la porte quand vous êtes entré. Maglan Production. Ici, il n'y a que des Maglans. Des Maglans partout. Alors, on va procéder par élimination. Je pense pas que vous vouliez parler à Georges Maglan, paix à son âme, il est mort il y a 10 ans. Et depuis la mort de monsieur, madame Maglan a repris la présidence de la société et elle travaille avec ses deux fils. Alors qui est-ce qui vous a appelé? Darius Maglan ou Benjamin Maglan? Écoutez... Bon, et votre nom? Votre nom à vous? Vous le connaissez votre nom? Oui, mais précisément, monsieur Maglan m'a dit que je pourrais rester anonyme. Écoutez, monsieur, moi je veux bien être patiente, mais si vous ne me dites pas ni qui vous voulez voir, ni comment vous vous appelez... Nestor. Dites-leur que c'est de la part de Nestor. Nestor. Oh la vache! Je veux dire... Oh, désolée, je suis désolée, vous êtes Nestor! Le Nestor, Nestor de... De Montretout. J'ai retrouvé un texte de lui quand il était député, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'il dit. Il ne peut pas lire ça dans ses meetings. Hein. Ce qu'il faut dire aux Algériens... C'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau, ils sont une dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. Donc c'est vrai qu'il était pour l'intégration, et donc il n'y a plus de raison qu'il fasse chauffer ses meetings en donnant des musulmans à manger aux fanatiques du Front National, parce qu'il n'est pas pour ça. Vous êtes un grotesque. Ensuite, monsieur. Vous êtes un pitre, monsieur. Vous avez dit, attendez. Attention. Écoutez, vous êtes un pitre. Il y a une limite. Vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Taspi. Il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous. Regarde-moi, regarde la caméra. Comme ça? Ouais, un peu plus à gauche. Voilà, parfait, bouge plus. Alors, par contre, je crois qu'on va enlever le bandeau, ça fait trop. Ah, bah ok. Non mais je pensais, comme il est borgne, pour la composition du personnage... Ouais, mais non, il l'a enlevé il y a presque 50 ans quand même. Ouais, bien sûr. Et pour la voix, bon, faut que je travaille encore un peu, mais je regarde plein de vidéos, là, en ce moment. T'inquiète, là, de toute façon, je regarde juste à la caméra ce que ça donne, pour voir si ça colle physiquement, parce qu'il est quand même costaud, le bonhomme. Il a fait 3 guerres. Toi, t'as fait l'armée, d'ailleurs? Oui, j'ai fait mon service militaire en 76. Bon, dans des bureaux, mais... Tu fais du sport, un peu? Un peu, oui. Enfin, très peu, en fait. Et je t'ai pas demandé, mais ça te dérange pas, évidemment, de jouer ce rôle? Ben non. Pourquoi? Super. Bon, allez, on y va pour un essai. T'es prêt? Prêt. Essai Jean-Marie, première. Quand tu veux, ça tourne. Pardon, j'ai juste une dernière question. Enfin, j'ai pas bien compris. C'est quel genre de film, en fait? Une fiction. Un documentaire. Une fiction. Un documentaire. Un docu-fiction? Non, non! Oh, maman. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, tu dis rien depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, Darius, je ne sais pas. Je ne sais pas, mes chéris. Cette maison fait du documentaire politique depuis 40 ans. Justement, il faut se renouveler. Il faut qu'on se lance dans la fiction. Ah, se renouveler, tu parles? Non mais avoue, Benji. Avoue que c'est juste que t'en as ras-le-bol de tourner du docu classique et que tu rêves de réaliser des films d'action, des films de KPDP. Mais c'est pas du tout notre cas. Darius, je te dis juste qu'avec Le Pen, on a un super matériau pour faire de la fiction. Enfin! Enfin, un homme politique intéressant à filmer. Qu'est-ce que je dis? Un homme, toute une famille. Jean-Marie, Marie-Caroline, Yann, Marine, Marion. Et je vous parle même pas des épouses, des maris, des gendres, des cousins, des chats, des clébards et des poissons rouges. Toute une saga politico-familiale. C'est unique. Les familles de politique, ça a toujours existé sous la Ve République. Les Debré, le Coupoland Royal... On pourrait même dire que les familles de politique, ça existe depuis au moins Pépin le Bref et Charlemagne. Tous rois de France de père en fils. Et ces liens familiaux chez les Le Pen, on peut parfaitement les raconter sous forme de documentaire. Je vois pas l'intérêt d'en faire une fiction, d'aller inventer des trucs. Mais on n'invente rien. On raconte les faits, rien que les faits, mais de l'intérieur. Avec les Le Pen, on a enfin la matière pour faire un vrai polar politique. Enfin! Depuis 40 ans, cette boîte fait des films tous plus soporifiques et sinistres les uns que les autres. Ne exagère pas. Si, maman, excuse-moi, on les a tous filmés, les comiques de la Ve République. Giscard, Delors, Juppé, Jospin. On filme que des vieux mâles blancs en fin de course. C'est ça, la politique en France. On fait du documentaire politique, donc c'est comme ça. On filme des vieux. Quand je regarde le catalogue de Maglan Productions, j'ai l'impression de voir un trombinoscope de maison de retraite. Ça suffit, les garçons. Un peu de respect pour la mémoire et l'œuvre de votre père. Mais franchement, Benji, je comprends pas ton enthousiasme à vouloir faire ce film sur Le Pen. On va faire son portrait comme on a fait celui des autres, c'est tout. Il est pas si différent des autres, d'ailleurs. Je te rappelle que Le Pen, c'est l'archétype du vieux mâle blanc en fin de course, comme tu dis. Il est député depuis 1956. Élu à 27 ans, plus jeune député de la législature, comme sa petite fille, comme Mario. Non. Non ? Il n'était pas le plus jeune député élu en 56 ? Moi aussi, j'ai lu ça partout. Oui, mais non. T'as lu ça partout, mais c'est une légende. Que Le Pen a toujours entretenu. En tout cas, il laisse dire. Il entretient la confusion avec l'élection de sa petite fille Marion, qui, elle, a bien été la plus jeune élue de toute la Ve République à 22 ans. 22 ans, mais comment tu peux être député à 22 ans ? Les jeunes, c'est une tradition au FN. Aux dernières élections, Marine a choisi une tête de liste ultra jeune, histoire de faire chier Marion. Et le FN a aussi eu le plus jeune sénateur jamais élu. David Racheline, sénateur à 26 ans. Ça a dû leur faire bizarre au palais du Luxembourg de voir débarquer un collègue qui pourrait être leur petit-fils. Alors évidemment, tous les articles pour l'élection de Marion à l'Assemblée en 2012 ont fait le parallèle avec l'élection de Papy en 1956. Et comme les médias vérifient les infos de leurs collègues quand ils ont le temps... Bref, non. Le plus jeune élu en 56, c'était pas Le Pen. C'était un communiste, figurez-vous, qui s'appelait André Chêne. Ils sont nés en 1928 tous les deux, mais Le Pen... est né le 20 juin, alors qu'André Chêne est né à Noël. Il avait 6 mois de moins que Le Pen. Mais on s'en fout, Darius, c'est des détails, tout ça. Alors avec Le Pen, je vous propose d'éviter le mot détail. C'est pas les dates qui comptent, Darius, pour raconter une histoire. Dans les scripts que tu nous ponds, il faut toujours bien donner toutes les dates dans l'ordre, citer exactement les discours et les sources, bien expliquer tout le contexte historique. C'est chiant comme la mort. C'est pas moi qu'on est plein le dos des documentaires Maglan, frangin. C'est le public. T'as qu'à voir nos ventes. Alors, si je peux me permettre... Oui, Benjamin, pour faire du documentaire, il faut se documenter. Et nos films sont surtout chiants, comme tu dis, parce que tu sais pas filmer. T'as jamais su faire vivre à l'écran l'action politique. Alors, si... Mais quelle action politique ? Ça n'existe pas, l'action politique. Y'a rien à filmer en politique. C'est des mecs qui parlent, ils parlent, ils font ça, ils parlent. Alors que dans l'histoire des Le Pen, y'a des morts, des assassinats, des attentats, des vrais attentats, avec des bombes et tout. Pas des farces comme Mitterrand dans les jardins de l'Observatoire, ou De Gaulle qui se prend un peu de chevrotine dans sa déesse. Il faut faire un film d'action. Si je peux me permettre d'intervenir. C'est un fait que notre chiffre d'affaires, comme vous le savez, est en baisse nette et régulière depuis plusieurs années. Et sans interférer sur vos choix éditoriaux, bien sûr. Moi, je ne suis que le gérant de cette entreprise. Je fais seulement parler les chiffres. Bon, allez au fait, monsieur Polydor, c'est quoi votre avis ? D'un point de vue économique, qu'est-ce qui est le mieux pour Maglan Productions ? Un documentaire sur Le Pen ou une fiction sur Le Pen ? Une fiction se vendrait probablement beaucoup mieux qu'un énième documentaire. Ah, même Poupou est de mon avis. J'aimerais bien, Benjamin, que vous cessiez de m'appeler. Oui ? Excusez-moi, monsieur Poulidor, c'est juste pour vous dire que monsieur Moati vient encore d'appeler. Il n'a toujours pas été payé pour son documentaire sur Benoît Hamon. Il voudrait nous proposer un nouveau projet de film. Oh, encore ? Un projet sur quoi ? Si j'ai bien compris, ce serait un film autour de la garde-robe de Brigitte Macron pendant ses déplacements officiels. Bon, je lui ai dit d'envoyer un mail. Très bien. Ah ! Et, madame Maglan, le fameux Nestor est arrivé. Je me suis permis de l'installer dans votre bureau. Parfait, je vais le recevoir tout de suite avec Benjamin. Entendu. Je vous apporte 3 cafés. Non. Merci, Ariane. Bon, fin de la réunion. Et on décide quoi alors pour Le Pen ? Fiction ou docu ? Et c'est qui ce Nestor ? C'est un pseudo, évidemment. C'est un ancien majordome de la famille Le Pen. Il les a servis pendant 30 ans à Montretout. C'est moi qui l'ai dégoté, en surfant sur des sites d'extrême droite. Tu vas sur des sites d'extrême droite ? Y a pas que toi qui te documente. Hein. J'ai plein de questions à lui poser, à ce Nestor. Et vous m'en avez pas parlé ? Je pensais que ton frère l'avait fait. Ben, je peux être là, au moins, à l'entretien. Moi aussi, j'ai plein de questions. Non, Darius, pour ce premier entretien, je préfère qu'il n'y ait que ton frère et moi. Je ne voudrais pas que ce Nestor prenne peur et qu'il nous file entre les doigts. J'ai eu beaucoup de mal à le convaincre de venir. Il doit avoir plein de choses à raconter pour enrichir le film. Des dates, des anecdotes. Et je voudrais aussi qu'il vienne voir le décor que j'ai trouvé en banlieue, où on pourrait filmer les scènes qui se passent à Montretout. Les scènes qui se passent à Montretout ? Ah, parce que ça y est. Ça y est, c'est décidé. On va filmer des scènes qui se passent à Montretout. Hein ? Donc, tu décides tout seul, en fait, Ben. Ça y est, t'as décidé. On fait de la fiction. Et donc, notre réunion, là, depuis une heure, elle servait à quoi, en fait ? J'ai juste pris un peu d'avance au cas où on se déciderait très vite. Alors oui, évidemment, j'ai fait un peu de prépa, de repérage. C'est du boulot, un tournage, Darius, ça s'improvise pas. Et moi, tu crois que je faisais quoi pendant ce temps-là ? Que je peignais la girafe ? J'ai lu tous les bouquins qui existent. Et crois-moi, il y en a un. Les Le Pen, ça passionne les journalistes. J'ai bouffé du Le Pen depuis des semaines. J'ai des kilomètres de notes sur tous les membres de la famille. Des heures d'archives. Bon, du calme, les garçons. C'est très bien que vous ayez travaillé tous les deux. Ce sera autant de temps de gagner. Et non, non, on n'a rien décidé du tout. Et j'ai encore un peu besoin de réfléchir. Même si c'est vrai que l'argument économique de M. Poulidor me ferait plutôt pencher pour une fiction. C'est une connerie, maman. De toute façon, c'est trop tard. Et pourquoi trop tard? Parce que tu as déjà fait des repérages? Des repérages, et en fait, j'ai aussi fait passer quelques castings. Des castings pour des comédiens? Des comédiens pour jouer les Le Pen? Oh putain, Benjamin! Sans m'en parler? Oh putain! Bon, bon, mais vous n'avez pas pris d'engagement. Vous n'avez pas encore signé de contrat avec ces comédiens. Si? Oh putain! Sans m'en parler? Vous verrez, mais c'est un acteur formidable! Formidable! Il fait exactement 1m77, comme Le Pen. Il a sa corpulence et en plus, il m'a dit qu'il l'imitait à la perfection. Lorsque vous avez parlé de points de détail, vous vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment, ce que j'ai dit correspondait à ma pensée. Que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, avant d'admettre qu'elles soient la guerre, qui soit un détail de ouais, vous maintenez ces propos. Ouais. Oui, absolument, je les maintiens. Donc, absolument. Parce que je crois que je c'est la vérité, ouais. Et que ça ne devrait choquer personne. Et voilà. Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne. Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne. Absolument, absolument. Putain d'adverbe. On a instrumentalisé cette affaire contre moi, en y introduisant un soupçon d'antisémitisme, alors que je mets au défi quiconque de citer une phrase. Une phrase dans ma vie. Des millions de morts, c'est un point de... Alors... Monsieur Durafour et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu, a déclaré « Nous devons nous allier aux élections municipales, municipales, y compris avec le Parti communiste, car le Parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Monsieur Durafour crématoire. Absolument. N'est-ce pas? Et... Bon, on est rendu. Ce n'est pas la première fois que vous êtes victime d'un attentat. Oui, c'est le troisième. C'est un record peu enviable. Alors, quel est votre sentiment? Écoutez, je ne peux relier ça qu'à notre Congrès national, dont le thème était justement la sécurité des Français et la lutte contre le crime. Alors, je pense que c'est un retour de manivelle des criminels. Je peux l'interpréter comme ça. Celle-là, elle doit dater du début des années 70. Elle est prise, je pense, depuis le perron. Oui, c'est ça. C'est une vue sur Paris et une partie du parc. Tout ça, c'est seulement une partie du parc? Oui, il y a autant de surface et même un peu plus de l'autre côté du pavillon, à côté des écuries. En tout de mémoire, il y a 5000 mètres carrés, enfin, de parc. N'allez pas vous imaginer quelque chose de somptuaire, disons que c'est un beau jardin, mais d'un entretien difficile. Très beau alors. 5000 mètres carrés dans Saint-Cloud, juste à côté de Paris. Je crois que c'est le plus grand jardin de tout le domaine, parce que il y a une confusion. Les gens pensent souvent que Montretout appartient au Le Pen. Mais dans ce qu'on appelle le domaine de Montretout, il y a de nombreuses propriétés. Et celle de la famille Le Pen n'est pas la plus belle. Ils ont beaucoup de voisins plus fortunés qu'eux. Des vedettes de cinéma, des chefs d'entreprise. Et ces bâtiments, c'est quoi? À gauche, là, vous avez ce qu'on appelle les écuries. Et à droite, c'est chez moi. Enfin, c'était chez moi. C'est le pavillon du gardien où j'ai passé toute mon enfance avec mes parents. D'ailleurs, c'est moi, là. J'avais 16, 17 ans là-dessus. Et vous êtes né à Montretout ? Oui, et j'ai pris la succession de mon père, qui était gardien du domaine pour les propriétaires précédents, la famille Lambert. Ah oui, le fameux Lambert qui a fait la fortune des Le Pen. Encore une histoire compliquée. Hubert Lambert était un des héritiers d'une grosse entreprise de matériaux de construction. C'était un proche de Pierre Poujade, et Jean-Marie Le Pen en avait fait son conseiller sur les affaires militaires. Il l'avait même nommé au comité central du parti, je crois. Mais M. Lambert était, disons, de santé fragile. Et à sa mort prématurée, en septembre 1976, il a fait de Jean-Marie Le Pen son légataire universel. Et il y a eu procès pour la succession. Les deux familles ont fini par trouver un accord à l'amiable. Mais la transition à Montretout, oui, a été particulièrement violente. Violente comment ? Un carnage, au sens propre. En novembre 1976, la famille Le Pen est victime d'un attentat en plein 15e arrondissement de Paris. Tout leur immeuble de la Villa Poirier est soufflé. Plusieurs kilos de dynamite déposés devant leur porte du 4e étage. Énorme explosion. Aucun mort. Un miracle. Pierrette Le Pen raconte que le premier réflexe de son mari a été de redresser le poste de télévision qui était tombé au sol. Le président a toujours eu beaucoup de sang-froid. La petite Marine avait 8 ans au moment de l'attentat. Ça l'a profondément marqué. Et Lambert ? La famille Le Pen a toujours soutenu que cet attentat était politique, mais c'était probablement lié à la succession Lambert. Un attentat ! Tu vois, maman, quand je dis que c'est un film d'action. Bon, on va pas faire sauter un immeuble pour les besoins du film. Mais effectivement, un héritage qui se règle à la dynamite, c'est plus marrant à filmer que de raconter une réunion chez le notaire. Et à Montretout, le changement de locataire, ça a été quelque chose. Deux jours avant la Noël 1976, je me souviens très bien, toute la famille Le Pen, dont l'appartement venait de sauter, a débarqué au domaine pour occuper les étages du pavillon dont ils venaient d'hériter. Le problème, c'est que la partie basse du pavillon était encore occupée par un des cousins d'Hubert Lambert, Philippe, qui vivait là avec sa femme et leurs deux filles. Et il contestait l'héritage, bien sûr. Deux ennemis sous le même toit. Drôle d'ambiance. Ils ont fini par trouver un accord financier, mais avant, ça a été des insultes, des menaces. Monsieur Lambert a même fait construire un mur pour condamner l'accès aux parties communes. Et vous avez travaillé, vous, pour les Lambert ? Non, mais c'est à cette époque que j'ai pris la suite de mon père. Lui voulait rester fidèle à la famille Lambert, et je me suis mis au service des Le Pen à Montretout. Mon père m'en a longtemps voulu. Ah, je peux même vous dire la date précise. J'ai pris mon poste en 78 exactement, puisqu'une des toutes premières réceptions que j'ai dû organiser au domaine, c'était pour les 50 ans du président. Ça commençait très fort. Par la suite, la famille a multiplié les soirées incroyables. Nous avions parfois plusieurs centaines de personnes, de toutes les générations, de tous les milieux. Chacune des filles Le Pen avait aussi droit à son quota d'invités. Oh, il y avait qui comme invité, par exemple ? Des politiques, bien sûr, et même des têtes couronnées du monde entier, mais aussi beaucoup de personnalités du spectacle, des médias. Alain Delon, très souvent. Olivier de Kersauzon, qui faisait du bateau avec Éric Tabarly et le président dans leur jeunesse à la Trinité. Monsieur Mourouzi était là régulièrement. Le chanteur Mouloudji. Ah bon ? Oui. Monsieur Le Pen fréquente des gens d'horizons très divers. C'était un grand copain de Claude Chabrol, par exemple, qui disait en riant de son copain Jean-Marie qu'il était un fou la merde. Ça m'étonne qu'à moitié. Chabrol a toujours eu un petit côté anard de droite. Et Darius m'a raconté qu'un an avant la création du FN, Le Pen a rédigé son mémoire de Sciences Po sur les mouvements anarchistes en France depuis 1945. Et qui d'autre à Montretout ? Lino Ventura aussi était un voisin, mais on le voyait peu. Plus tard, on aurait pu croiser dans une même soirée aussi bien une ancienne vedette de télé-réalité qu'un prétendant au trône d'Espagne ou des personnalités désormais plus sulfureuses comme Monsieur Dieudonné. Le Pen est le parrain de sa fille, je crois. Oui, c'est Monsieur Dieudonné lui-même qui est venu spontanément en 2008 à Montretout pour demander à Monsieur Le Pen de la parrainer. Le président a plus d'une vingtaine de filleuls, je crois, dans toute la France. Il a accepté d'autant plus volontiers que la mère de la petite est bretonne. Il l'appelle une fois par an pour prendre de ses nouvelles. Et c'est ici que vous avez grandi, donc. Oui, j'ai vécu dans la maison des gardiens de ma naissance jusqu'en l'an 2000. C'est l'année où Pierrette est revenue à Montretout. Pierrette, on est d'accord, c'est la première femme de Jean-Marie. Et elle est revenue s'installer à Montretout après leur divorce? Je croyais qu'ils étaient fâchés à mort. Oui, les relations ont été longtemps très compliquées. Mais Pierrette reste la première épouse du président et la mère de ses trois filles. Ils sont restés mariés 27 ans et elle a joué un rôle très important pour le lancement de sa carrière. C'est elle, notamment, qui a suggéré au président d'ajouter Marie à son prénom. Comment ça ? À l'état civil, M. Le Pen s'appelle Jean, tout court. Comme son père, qui était marin-pêcheur et qui l'a perdu fort jeune. C'est Pierrette qui lui a suggéré d'ajouter Marie à son prénom pour séduire l'électorat catholique aux législatives de 1956. Et ça a fonctionné. Grâce à Pierrette. Alors, quand elle a connu des difficultés financières, le président lui a proposé de revenir s'installer à Montretout. Jeannie, la seconde épouse du président, a été impériale. Et la cohabitation s'est très bien passée depuis. Pierrette s'est installée dans le pavillon du gardien et je suis partie habiter dans une autre annexe du domaine. Alors, je ne me situe pas bien. Elles sont où ces annexes par rapport à la maison principale ? Ah, pardon. Et bon, évidemment, moi je connais la maison depuis mon naissance. Donc, puis-je vous prendre cette feuille ? Le plus simple est que je vous fasse un croquis. Donc, Montretout. En venant de Paris, vous prenez le pont de Saint-Cloud, vous montez sur un kilomètre environ. Là, vous avez l'entrée du domaine avec toutes les propriétés. Et on pourrait aller y faire un tour. Ah non, il y a les grilles. Propriété privée, digicode, caméra, chien méchant. Les habitants de Montretout aiment la tranquillité. Donc, passer les grilles, on prend là, puis ici, la petite allée, dont on doit refaire le revêtement depuis des années, d'ailleurs. Et on arrive au numéro 8. D'un côté, là, c'est notre voisin, un charmant patron de boîte de nuit. Et la propriété Le Pen est ici, ce grand rectangle. Et donc, si j'agrandis ce rectangle et qu'on entre un peu dans les détails de la propriété, vous avez, presque au milieu du parc, ce qu'on appelle le pavillon de l'écuyer, qui est le bâtiment principal. Donc ça, c'est la maison de Jean-Marie Le Pen. Il y a combien de pièces ? 11. Mais le président n'y habite plus depuis des années. Yann, sa deuxième fille, occupe encore le second étage, mais désormais, il n'y a que des bureaux, notamment celui du président au premier étage, avec un balcon et une vue imprenable sur Paris. Il vient encore y travailler tout l'après-midi. Et juste à côté, le bureau de son assistant personnel, qui est installé dans l'ancienne chambre à coucher des Le Pen. Et donc, si on sort dans le parc, vous avez plusieurs bâtiments, dont le pavillon des gardiens, et juste à côté, les anciennes écuries. Elles sont occupées ? Oui, bien sûr. C'est la petite dernière, Marine, qui habitait là. C'est un assez modeste appartement, mais elle était bien, tranquille, autonome, au fond du parc, près de son père, mais pas trop. Et elle pouvait faire des fêtes. Et quelles fêtes ! J'ai dit habiter, parce qu'elle nous a quittés à l'été 2014. Quelle tristesse ce départ. La presse a inventé toute une histoire. Une histoire ? Ridicule. Une histoire ridicule. Il faut savoir que Marine adore les chats. Elle a toujours aimé les chats. Elle dit elle-même qu'elle est une mère à chats. Et quand Artemis, la chatte préférée de Marine, s'est fait tuer par les chiens de son père, deux bouviers bâtards très beaux qui s'appellent Sergent et Major, oui, non, le président a beaucoup d'humour, les Doberman qu'il avait avant eux s'appelaient Gitane et Gauloise. Bref, quand Artemis, la chatte de Marine, est morte en 2014, les gens ont raconté que c'était pour ça que Marine avait quitté Montretout. La vérité, c'est qu'au mois de juin 2014, le président a fait une déclaration malheureuse dans une vidéo sur un chanteur populaire à l'époque. Une sombre histoire de fournée. Bon, mais moi, je ne fais pas de politique. Enfin, c'est ridicule, cette histoire du chat. Mais c'est vrai que Marine a beaucoup pleuré ce jour-là. Elle est restée enfermée des heures dans sa chambre. Bref, Marine a quitté Montretout à l'été 2014. Elle a libéré les écuries et depuis, c'est sa mère, Pierrette, qui a repris son appartement. Ah oui, c'est un vrai retour en grâce pour Pierrette. Disons que la hache de guerre est enterrée. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis l'opération Bonne Maman. L'opération quoi ? Ah, le grand coup d'éclat de Pierrette, qui a fait exploser toute la famille et a même eu d'incroyables conséquences politiques sur le Front National. Et c'est quoi l'opération Bonne Maman ? Elle faisait des confitures, Pierrette. Non, pas vraiment, non. C'était Jeanne revient. La véritable histoire de la famille Le Pen. De François Perrache. Premier épisode. avec Christine Gagneux, Éric Berger, Elios Noël, Clémentine Verdier, Gabriel Ledose, Philippe Duquesne et Jean-Claude Bolreda. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Stéphane Desmond, Cédric Chatelus. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossir. Si toutes les filles pleurent, pourquoi pas moi? Si toute cette rancœur, je ne la sors pas. Et si tout à l'heure, ou demain je meurs, si tu ne m'en voudras pas. Oui, toutes les filles pleurent, qu'on le veuille ou pas. Des larmes de bonheur, des rivières de sang noir où elles se noient. Et si tout à l'heure, ou demain je meurs, moi je ne t'en voudrais pas. Au cas où tu ne saurais pas, toutes les filles pleurent, ouais, c'est comme ça. Pourquoi pas moi? Si j'ai trop bu de trop bonheur, ivre de spleen et de tracas. Et si tout à l'heure, ou demain je meurs, si tu ne m'en voudras pas. Oui, tout est si plat, si tout dans mes bras. Que l'on soit tout en dehors, je pars toujours de très bonheur. Et si tout à l'heure, demain je meurs, non je ne t'en voudrais pas. Au cas où tu ne saurais pas, toutes les filles pleurent, ouais, c'est comme ça. Affaires sensibles, la fiction. Septembre 83, les Russes viennent d'abattre le Boeing sud-coréen. Dans la rue, le Front National. Jean-Marie Le Pen confond volontiers généraux soviétiques et ministres communistes du gouvernement. L'anticommunisme, une constante de 30 ans chez Le Pen. Un militant musclé, d'abord comme étudiant en droit, puis comme engagé dans la Légion pour l'Indochine. Les forces franco-vietnamiennes ont pris une nouvelle... Trop tard pour en découdre, Dien Bien Phu est déjà tombé. Retour amer en France pour rejoindre le poujadisme. Élu député de Paris à 27 ans, il est porte-parole du groupe. Mais il se brouille avec Poujade, se met en congé d'assemblée et rejoint les parachutistes en Algérie. D'abord l'expédition de Suez, ensuite la bataille d'Alger. D'après un rapport de la Sûreté nationale d'avril 57, il est de ceux qui infligent la torture à l'électricité. La Gégène, ce n'est pas si terrible, dira-t-il plus tard. Réélu à l'Assemblée en 58, il est spectateur devant l'OAS et le putsch des généraux, puis se fait battre en 62. 72, il fonde le Front National pour incarner une droite sociale, populaire et légaliste, mais refuse le terme de néofascisme. Sa formation reste pendant 10 ans un groupuscule. Puis, comme candidat au présidentiel de 74, il cherche à adoucir son image et veut apparaître comme un Français moyen. Il y a une inquiétude. inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Il ne fera que 0,7% des voix, mais exploite déjà le thème anti-immigré qui lui sera rentable plus tard. L'insécurité, la France et les Français d'abord, c'est brusquement en 82 que le filon devient payant. Plus de 11% municipal dans le 20e à Paris, près de 17% pour le Front National à Dreux, un score personnel de 12% aux législatives dans le Morbihan. Une percée qui préoccupe dans la majorité comme dans l'opposition, la percée d'un intrus venu troubler le jeu politique traditionnel. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeanne revient, épisode 1. Notre invité Olivier Beaumont, grand reporter parisien aujourd'hui en France et auteur du livre intitulé « Dans l'enfer de Montretout ». Bonjour Olivier Beaumont. Bonjour. Vous êtes grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France et vous êtes l'auteur du livre que je tiens entre les mains intitulé « Dans l'enfer de Montretout » paru chez Flammarion. On vient d'entendre une archive. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Juste ça. Et après, on ira dans le détail. Elle m'inspire finalement que quoi qu'on dise et quoi qu'on pense de Jean-Marie Le Pen, on a affaire à un personnage politique hors norme. Des 60-70 dernières années politiques, il a connu deux républiques, il a été élu sous la 4e, il a connu énormément de mandats politiques et il a aujourd'hui 90 ans et il est toujours, à l'heure où on parle, député européen. Et puis Jean-Marie Le Pen, c'est un parti, le Front National, et une marque, j'ai envie de dire aussi, la marque Le Pen, avec ce clan, cette saga et ces trois générations finalement de Le Pen dont on entend encore beaucoup parler aujourd'hui. D'ailleurs, pour résumer votre livre, je vais citer les premières lignes qui renvoient à ce que vous dites là. Un nom, Le Pen, un lieu montre tout, c'est là, dans les 430 mètres carrés de cet hôtel particulier niché sur les hauteurs de Saint-Cloud, que le clan Le Pen se déchire et se réconcilie depuis 40 ans. Bien, on le sait d'ailleurs, on s'en souvient et parfois ça continue, mais comment ça commence déjà, montre tout? Comment la famille Le Pen s'installe-t-elle à Saint-Cloud, dans cet hôtel particulier qui domine Paris? Elle s'installe par hasard et un petit peu par effraction finalement, puisque Jean-Marie Le Pen hérite de cette maison de manière très contestée et controversée d'Hubert Lambert, hein, qui fait partie de la famille éponyme, la famille Lambert, les cimenteries Lambert, qui fait d'Hubert, de Jean-Marie Le Pen, son légataire universel. En 1976, Hubert Lambert décède et Hubert Lambert, c'est un royaliste, un nationaliste qui gravite dans les milieux de l'extrême droite depuis plusieurs années et il s'est énamouraché quelque part de Jean-Marie Le Pen au début des années 70. C'est un grand argentier du parti aussi. Et c'est vrai qu'il décide à un moment donné de mettre Jean-Marie Le Pen comme son légataire universel. Et il décède. Et dans cet héritage, il y a notamment cette fameuse maison de Montretout, située sur les hauteurs de Saint-Cloud, juste de l'autre côté de Paris, quelque part. Cette maison en hauteur qui toise Paris, mais qui est en dehors de Paris, de la capitale et donc du système. Ça en dit long aussi, justement, sur les Le Pen aussi, leur rapport au pouvoir. Et c'est un héritage contesté parce qu'il y a des occupants de la famille Lambert dans cette maison. Même tabou, tout à fait. Et donc, ils vont contester cet héritage. Et Jean-Marie Le Pen va s'y installer un peu par force puisque quelques semaines après le décès d'Hubert Lambert, l'appartement de la famille Le Pen dans le 15e arrondissement, la villa Poirier, est soufflé par 4 kilos de dynamite qui sont posés à la porte de la maison Le Pen. Dans la nuit du 1er novembre. Exactement, 76. La nuit de la Toussaint, la nuit de la mort. Mmh. Et en effet, du jour au lendemain, la famille Le Pen se retrouve sans toit, sans presque rien. Et donc, comme ils viennent d'hériter quelques semaines plus tôt de cette maison, ils décident de s'y installer avec 3 valises et quelques vêtements. Et donc, ils s'installent dans un premier temps aux étages de cette maison. Et Lambert, c'est le fantôme de Montretout, quelque part? Lambert, c'est le fantôme de Montretout. Il y a cette scène incroyable. Quand ils arrivent, Hubert décède dans sa chambre d'une varice œsophagique. Donc, on peut un peu imaginer la scène. Il y a beaucoup de sang et tout ça. Et donc, c'est une scène de crime, hein, quasiment, quand les Le Pen, ils arrivent, et Pierrette et Jean-Marie Le Pen décident de prendre comme chambre conjugale la chambre où Hubert Lambert est mort. Et donc, il y a encore tous les draps maculés de sang, et c'est une pièce même où les volets sont fermés, c'est une pièce qui sent la mort, hein, racontera Pierrette quelques années plus tard. Et quelque part, il ne se pose pas de questions, elle aère la pièce, elle change les draps, et le soir même, en fait, il dort sans aucun sentiment de culpabilité, considérant que Hubert ayant fait de les légataires, ils sont chez eux. Tout simplement. Tout simplement. Bien, alors, l'attentat du 1er au 2 novembre 76, dans le 15e, donc il visait les Le Pen, c'est une erreur, ou alors il visait bien les Le Pen, il était déjà sulfureux, et pourquoi ? Alors, ils visent clairement les Le Pen. Oui. Il y a une enquête qui va être menée. On ne va jamais vraiment savoir qui va être à l'origine de cet attentat. Il y aura la piste de l'AS qui sera à un moment envisagée, mais sans preuve probante. À l'époque, Jean-Marie Le Pen, c'est pas le Jean-Marie Le Pen qu'on va connaître et qui va avoir son vrai essor politique dans le courant des années 80. C'est le président d'un parti qui s'appelle le Front National, qui est encore crépusculaire quelque part, puisque à la précédente présidentielle, il n'a fait que 0,60, voilà, exactement. 0,73%, donc un tout petit score. Mais Jean-Marie Le Pen, il a déjà son passé politique. Hein. Vous l'avez rappelé dans la présentation, il a été élu député poujadiste, il a fait l'Indochine, il a fait la guerre d'Algérie. Et puis aussi, le Front National a été fondé sur les fonds baptismaux d'ordre nouveau, quelque part. Hein. Groupuscule d'extrême droite très, très radical, antisioniste, négationniste et tout. Donc voilà, ça n'est pas le personnage sulfureux qu'on va connaître dans les années 80, mais Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui baigne dans cette mouvance. Oui, il a un corpus politique, alors qui est inquiétant, évidemment, dans ces années 70 où l'extrême droite ne connaît pas l'essor qu'elle connaît aujourd'hui depuis quelques années, une espèce de creux, là, de vrai creux de l'extrême droite. Et puis là, il a cet œil masqué, encore, le personnage est inquiétant. Oui, nous, on était bien jeunes à l'époque. Moi, je me souviens, j'étais gosse, mais c'est vrai, et ça faisait peur. Ça faisait peur, mais c'est comme aussi l'époque où les étudiants se bagarraient à coups de barre de fer quand même. Hein. Il y avait quand même, entre les sympathisants, les communistes d'un côté, l'extrême droite de l'autre, il y avait quand même, on faisait pas semblant hein, à l'époque. Hein. Et en effet, il y a ce personnage comme ça qui est fort en gueule, un vrai tribun, avec cet œil, en effet. Il y a toute une légende hein, d'ailleurs, hein, puisque en effet, on ne saura jamais vraiment comment il a perdu son œil. Mais bon, voilà, il y a ce personnage comme ça qui s'installe un petit peu progressivement dans le paysage politique et qui, avec l'héritage de la fortune Lambert, va pouvoir avoir les véritables moyens financiers de pouvoir faire de la politique sans avoir besoin de travailler. Quoi. Il va pouvoir se consacrer à 100% à la politique à partir de l'héritage Lambert. Bien, Olivier Beaumont, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de Jean-Marie Le Pen, la famille Le Pen, mais on est bien là au début hein, de sa carrière. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande, ce jour que j'appréhende, où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra, où triste et solitaire, en soutenant ta mère et en traînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Bien, Olivier Beaumont a montré tout, gravi tout un tas de personnes, et des noms apparaissent comme François Duprat et Laurent de Saint-Affrique, théoricien et conseiller de l'ombre, se succèdent, mais aussi avec le même corpus politique. Ils sont tous de cette mouvance-là, maurassienne, nationale, tout ce qu'on veut. Oui, François Duprat, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier, entre guillemets. Lui, pour le coup, il faisait vraiment partie d'ordre nouveau. Quelque part, c'est lui le vrai fondateur du Front National. Mmh. Il a édité des livres de la Waffen-SS. Il est clairement anti-sioniste revendiqué. Il chérit les thèmes de l'immigration. Et d'ailleurs, quelque part, c'est lui qui va donner à l'époque, à la fondation du Front National, cette fameuse formule « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop ». C'est François Duprat qui va en être le père de cette formule, mmh, sur laquelle Jean-Marie Le Pen va s'appuyer dès les premières années, finalement, de l'existence du Front National. Et c'est le père spirituel, quelque part, du Front National, François Duprat. Et qui va avoir une fin tragique, hein, puisqu'il va mourir en voiture, dans une explosion, en fait, de son véhicule, dont on ne connaîtra jamais qui sera le commanditaire. Mais voilà, il meurt à la fin des années 70. Et c'est bien sûr un personnage très, très sulfureux. Bien, alors, Jean-Marie Le Pen, ensuite, commence à privilégier sa famille. Ouais. Donc, il a 3 filles, monsieur a 3 filles. Et apparemment, la plus jeune s'appelle Marine, ça c'est pas apparemment, c'est sûr. Oui. Et c'est apparemment sur elle qu'il met ses espoirs, ou pas, au début. Au tout début, non. Ses espoirs, ils sont sur la première de ses filles, Marie-Caroline, qui va être la première à se lancer vraiment en politique à la toute fin des années 80. Mais comme une météore, on s'en souvient pas. Et voilà, exactement. On s'en souvient pas. Il y a quand même une scène qui aura marqué ceux qui l'ont vu à l'époque à la télévision. C'est cette fameuse élection législative en 1997 où elle se qualifie à Mantes-la-Jolie pour le second tour avec de vraies chances de pouvoir l'emporter et donc d'entrer à l'Assemblée nationale quasiment 10 ans après son père, hein, qui avait été réélu en 86. Et Jean-Marie Le Pen va débarquer en fait le dimanche d'entre-deux tours sur un marché à Mantes-la-Jolie et ça va très très mal se passer puisqu'il va agresser en fait. La candidate socialiste Agnès Pelvast et voilà, c'est des images qui vont faire le tour des médias et ce jour-là, Marie-Caroline va comprendre qu'elle a perdu le second tour de cette élection et donc exit Marie-Caroline qui va rejoindre quelques temps après le clan du Félon, Bruno Maigret, puisqu'elle est mariée avec Philippe Olivier qui est un disciple de Bruno Maigret et à la même époque, une jeune fille qui vient tout juste d'avoir son bac va commencer à arriver vraiment au sein du Front National, elle s'appelle Marine, elle se fait embaucher au service juridique, une cellule qui est créée pour elle quelque part, hein, puisqu'elle est avocate depuis quelques années, mais bon, elle fait que des séances de comparution immédiate, elle n'arrive pas vraiment à percer au sein du barreau de Paris, et donc elle se fait embaucher à la cellule juridique du Front National, et c'est à partir de ce moment-là, en effet, qu'elle va commencer à être vraiment présente à l'époque au siège du parti qui s'appelait le Paquebot, et à partir de 2002, elle va vraiment éclore, puisqu'il y a cette fameuse campagne présidentielle, et c'est là d'ailleurs qu'on va les découvrir un soir de mai 2002, au soir du premier tour, quand son père est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Et que fait la troisième, Yann ? Yann, c'est la plus secrète. Yann, c'est un peu le vilain petit canard. Elle le reconnaît elle-même. C'est quelqu'un qui a jamais vraiment voulu baigner dans cet univers de la politique. D'ailleurs, elle quitte la famille l'année du bac. Elle ne le passe pas. Elle décide de partir très loin pour être géo au Club Med. C'est quelqu'un qui va se chercher pendant quelques années. Elle va créer une agence de mannequins. Ça va pas marcher non plus. Et puis finalement, elle va finir elle aussi par revenir dans le giron du Front National en s'occupant plus de la partie événementielle. Mais Yann, c'est quelqu'un qui s'est toujours tenu très à l'écart du front, du parti et de la politique. Elle en a très peur parce qu'elle a vu quand même, et c'est intéressant, c'est ce que dit aussi d'ailleurs sa fille Marion, elle a vu tous les ravages de la politique sur la vie de famille. Alors justement, parlons-en. Oui. Avec une impudeur totale, on assiste au dérapage de la vie familiale, l'histoire autour de Pierrette, du divorce, de Playboy. Oui. C'est vraiment une impudeur incroyable. Mais c'est Dallas. C'est Dallas. La famille Le Pen, c'est Dallas. Et on a toute cette photo de Jean-Marie Le Pen avec son épouse et ses filles devant cette maison. Enfin, il y a le côté Dallas dynastie. Et puis aussi un petit peu Psychose et la famille Adams aussi. Il y a un peu tout ça. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen, il a toujours été dans le mélange des genres permanent. Les caméras, notamment, ont eu le droit de citer hein, dans la maison de Montretout. Et c'est vrai que Pierrette a très mal supporté cette intrusion de la politique dans sa maison, même géographiquement. Hein, le bureau de Jean-Marie Le Pen était situé juste à côté de la chambre à coucher. C'est-à-dire que Pierrette, c'est-à-dire qu'il lui arrivait parfois le matin de se lever et de croiser un membre du Front National qui venait se laver les mains dans la salle de bain en disant « Non, non, mais te dérange pas, je vais juste me laver les mains, je retourne voir Jean-Marie. » Et ça, à un bout d'un moment, elle en a eu assez, elle s'est sentie délaissée, clairement. Et un jour d'octobre 1984, le 10 octobre, elle décide, très tôt le matin, de quitter la maison sans prévenir personne, sans même prévenir sa fille Marine, qui était sa petite préférée. Et ça va jusqu'à cette histoire de Playboy où elle se présente en tenue très légère avec un plumeau. C'est une rupture qui est très violente et qui c'est un quelque chose de très fréquent et très régulier chez les Le Pen. Quand il y a un drame ou quand il y a un clash, ça se passe aussi toujours par médias interposés. Et c'est ce qui va se passer avec la rupture entre Pierrette et Jean-Marie Le Pen. Un jour, Jean-Marie Le Pen est interrogé par l'hebdomadaire Lui. Alors c'est un divorce qui se passe très mal. Elle demande des pensions alimentaires, lui refuse et tout ça. Ça dure plusieurs années. Et un jour, il dit, si elle a besoin d'argent, elle a qu'à faire des ménages. Ah. Et là, Pierrette va le prendre au mot, puisque Playboy va lui proposer, en effet, de poser en tenue de soubrette. Voilà, et ce sera une opération secrète qui va s'appeler l'opération Bonne Maman, pour la petite histoire. Et donc, un jour de 87, la France entière découvre Madame Le Pen, à moitié dénudée, parfois à quatre pattes aussi, en train de faire le ménage avec un plumeau. Et record de vente pour Playboy. À l'époque, Jean-Marie Le Pen, il est député, donc on ne vous raconte pas dans les couloirs de l'Assemblée nationale, tout le monde se gausse. Et Jean-Marie Le Pen est furieux. Et c'est là, quelque part aussi, que les filles font aussi le choix du père à ce moment-là. Oui, par rapport à la transgression de la mère. Bon, c'est pas forcément un phalanstère heureux, montre-tout ça, les porte-claques. C'est le lieu des ruptures, des drames, et c'est aussi le lieu des réconciliations. L'histoire retiendra aussi que bien des années plus tard, Jean-Marie Le Pen pratiquera le pardon des offenses à l'égard de Pierrette, la mère de ses filles, et donc au début des années 2000, alors qu'elle n'a plus rien, elle n'a plus un sou, elle est esselée, il va accepter de lui accorder un logement dans une des dépendances de Montretout. Il y a les visiteurs du soir également, Delon, Mouloudji, on allait dîner... Tapie aussi. Tapie, on allait dîner avec le diable, mais avec une grande cuillère, comme on dit. Ah oui, Montretout, c'est le lieu des drames, des ruptures, mais aussi le lieu des grandes fêtes de Montretout. Hein. Une tradition, en général, toujours au mois de juin, autour de l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, mais ce sont les grandes fêtes de Montretout, les mariages des filles, en effet, où il y a Alain Delon, il y a Yves Mourouzi aussi, hein, le célèbre présentateur du 13h de TF1 dans les années 80, et donc il y a tout ce petit milieu aussi... people, médiatique, des hommes d'affaires, des princes héritiers qui gravitent. Alors moi, dans le cadre de cette enquête pour ce livre, j'ai eu la chance de pouvoir assister à une de ces soirées pour ses 88 ans. C'est vrai que c'est assez étonnant quand même. Oui. C'est très jet set. Jean-Marie Le Pen, il est très people. Il adore ça. Et en même temps, ça le met en porte-à-faux par rapport à sa supposée différence avec le système. Il est dedans. Oui, mais il est dedans et il a vécu aussi grâce à ça. Le système a nourri Jean-Marie Le Pen pendant des décennies. Il continue d'en vivre aujourd'hui et il ne cesse de dénoncer l'Europe, mais c'est aussi grâce au mandat européen que la famille Le Pen arrive à vivre aussi aujourd'hui. Alors, j'espère avoir le temps de vous poser encore deux questions. Qui est devenu l'hôtel particulier, qui y habite aujourd'hui, qui y travaille? Alors aujourd'hui, qui y habite, c'est dans la bâtisse principale de 430 mètres carrés, aux étages supérieurs, c'est Yann, la maman de Marion. Mm-hmm. Et au premier étage, il y a encore le bureau de Jean-Marie Le Pen, il y va quasiment tous les jours avec son secrétariat. Et au rez-de-chaussée, il y a Cotelec, qui est l'association, le bras armé du Front National. Et dans le jardin, dans les dépendances, au fond, il y a en effet Pierrette, qui habite dans une des dépendances, celle qui avait été occupée aussi un temps par Marine Le Pen. Bien, alors lors du deuxième épisode, on abordera encore évidemment le parcours politique de Jean-Marie Le Pen, mais avec la famille, puisque c'est ça le thème. Quand même, toute dernière question, pour terminer votre livre, vous titrez votre épilogue « Je vais les faire chier jusqu'à 100 ans ». C'est à ça que se résume son action. Ça, c'est une vraie motivation pour Jean-Marie Le Pen. Il n'y a qu'à le voir encore aujourd'hui. C'est vrai que physiquement, il est assez, d'autant qu'il a eu des petits soucis de santé cette année, mais intellectuellement, il est impeccable. Il manie l'ironie, l'humour, et puis ça fonctionne très très vite. Et donc, oui, il se voit centenaire, Jean-Marie Le Pen, et tant qu'il pourra les faire chier jusqu'au bout, pour reprendre ses mots, il ne s'en privera pas. Bien, si vous avez raté Dallas à la télé depuis de longues années, vous pouvez lire dans l'enfer de Montretout, Olivier Beaumont, vous signez ce livre, et c'est chez Flammarion. Merci infiniment, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jeanne revient, épisode 1. Une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossire. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Agnoro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin et Pierre Fossillon.